on a appris une chanson de Noël à l'école. On peut la chanter pour toi, s'il te plaît? Qui ça fait? Qui chanson encore? Là, pas dis-moi, c'est tout que c'est Pibobi qui vient y foutre un mot là-bas, moi. Petit papa gazelle, on a eu y fait encore tic chat à toi. Ou qu'a fini faire mon chien. Aïe, bon Dieu, zot, qu'est-ce que fait attention, moi, non? Aïe, aïe, aïe. Nous fait cantique masqué. Pour Noël, nous, pas tout navider. Aïe, aïe, aïe. Y'a pas de meilleur que les bruits, y'a du bruit, c'est chat à côté, encore une fois sur la version. Ah, je sais, là, c'est pas un jeu quand on parle au loca. Elle dit même que Noël, ça, vaccin en un cochon, un garçon. Voisin d'où venez, voisin d'où venez, voisin d'où venez, voisin d'où venez, voisin d'où venez, cette grosse basse qui m'a sauté de mon con. Fin maman, pas même fait attestation. Oh, oh, tellement son skunk la pression. Libère le parti, dégoince tes fesses. J'ai moins de stress quand je vois que tu te baisses. Man, je sais book show, pas ni ABS. Man, qui bon flow, qui nous pas besoin fait test. Appelle-moi Raoul. Professeur. Oul, oul, oul. Je ramène mes boules. Oul, oul, oul. Plus du confinement ouais, on m'évoute et adin. Noël, oui, vais pas me en cantique chata. On veut plus du confinement Noël, sans papa, sans maman. Et ce moment, mais mamie là quand même. Deux coups de rein, sécurisé. Mamie aime le petit train. Tchou. Les gars jaloux me, t'y fouille à plein. En tout cas, boudé me plein. J'ai ma PS5. Moi, je mange du gouin. Fini ton pangolin. Il est fan à moi avant janvier. Il cap mon hanté max pas moins. Boum boum. Tchou pour toi. Tchou pour toi. Nous bon kai Stanislas. Stanislas ouve Kaila. Kotik chata. Nous kai krasé Kaila. Pas dit peuple là, bon ça, ok, tu es cantique là. Cantique là, c'est à nous, tirer tu ici. C'est ça, pristi, c'est ça, y'a encore à prendre l'école là, l'eau. Zot, si ou quand zotka mette masse là, les bougeant ou bien les ouvres, zot. Ah là là, va mélanger ma mère, c'est pas le bon petit talent. Bonne année, bonne nouvelle, les gens.